Ascension mystique de la montagne de la perfection, par la voie d'amour, et d'enfant spirituel de Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est le titre en première page. Il s'agit de 31 poèmes en vis-à-vis de 31 tableaux allégoriques. Texte de Mère Agnès de Jésus, Pauline Martin, illustration de Charles Jovenot. Les poèmes se chantent sur trois airs différents. Sorti en 1919, le livre sera réédité jusqu'en 1950, totalisant 136 000, dont 15 000 en couleur. Le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables, je puis donc malgré ma petitesse aspirer à la sainteté, me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Citation de Sainte Thérèse extraite du manuscrit C. Marc M. Dan, archive.org. D'après, archive Carmel de Lisieux.fr. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Premier tableau. Au pied du mont sacré, notre sainte est venue, elle en voudrait gravir toute l'aspérité, sachant bien qu'au sommet, qui se perd dans la nue, à ses yeux brillera l'aimable sainteté. Mais, dès les premiers pas, elle est comme attristée. À mon but, se dit-elle, arriverai-je un jour? S'il faut un corps brisé, une âme tourmentée, je demande ces croix pour atteindre l'amour. Second tableau. Ce vieillard aux pieds nus est une allégorie, un symbole vivant des austères moyens. Thérèse le contemple et se montre ravie, croyant avoir compris du Seigneur les desseins. Elle aura désormais, s'il faut livrer bataille, cuirasse, bouclier, discipline de fer, et, dans les durs sentiers, si sa démarche défaille, ses aides merveilleux défieront tout l'enfer. Tableau 3. Et là sur un rocher, la jeune Carmélite s'est assise bientôt, le cœur désenchanté. Pour elle, ces moyens de prompte réussite, ne serait-il donc pas de Dieu la volonté, car, malgré tant d'efforts, en revêtant ses armes, si peu, du mont sévère, elle a paru gravir. Son âme est abattue, et ses yeux pleins de larmes n'osent plus maintenant regarder l'avenir. Quatrième tableau. Mais le Seigneur est bon, voici qu'un de ses anges s'approche de la sainte et dit, comme autrefois, passez à Bethléem, enveloppé de l'ange, vous verrez un enfant, vous entendrez sa voix, et son très doux regard, sa divine caresse, et ses abaissements, tout vous consolera. Thérèse alors se sent renaître à l'allégresse, elle entrevoit le port, son cœur y volera. Cinquième tableau. Trompeuse n'était point l'angélique parole, Thérèse a vu l'étable et l'enfant adoré. Le voici dans ses bras et la même auréole enveloppe leur front de son rayon doré. Il est la sainteté révélée à la terre, il enseigne le vrai par ses lèvres d'un jour, et sa petite sœur découvre à sa lumière, avec humilité, le chemin de l'amour. Tableau 6. Depuis qu'à l'enfant Dieu Thérèse a fait sa visite, un changement divin s'opère dans son cœur, la voilà devenue aussi toute petite, dès lors elle jouit d'un tranquille bonheur. La montagne est la même avec sa pente austère, mais paisible, attendant le secours de Jésus. Elle délaisse enfin telle ou telle manière, ne cherchant qu'un moyen pour aimer toujours plus. Tableau 7. Bientôt elle se lève et fait cette prière, « Ange saint du ciel, écoutez un instant, oh je vous en supplie, adoptez sur la terre mon cœur faible et petit, que je sois votre enfant. » Aux petits, les parents donnent mille tendresses, ils comblent leurs désirs, se mêlant à leur jeu. Moi, j'attends de vous tous de plus grandes largesses, c'est votre double amour pour aimer le bon Dieu. Huitième tableau. Les bienheureux, alors, lui montrent tout en flammes, le fleuve de l'amour qui descend des hauteurs, et sur la terre, hélas, l'épouvantable drame de ce fleuve endigué par la haine des cœurs. Ô Dieu de charité, dit l'enfant, « quel outrage. Je veux le réparer, mais je suis impuissant. Comment te consoler? Que t'offrir en hommage? Car pleurer c'est trop peu, devant un mal si grand. Tableau 9. Et l'enfant, aussitôt, à côté de ses crimes, voit le bien pratiqué sur la terre des pleurs, où des héros, des saints, s'offrent comme victimes à la foudre du ciel, en place des pécheurs. Cette immolation est généreuse et grande, mais il en est une autre, il est un autre essor. Pour l'âme de Thérèse, il est une autre offrande, quelle est-elle Seigneur? Et l'enfant cherche encore. Tableau 10. Il le trouve, il atteint son idéal sublime. Ô charité, dit-il, je m'offre à tes ardeurs. De tes feux consumants je veux être victime, en moi verse l'amour refusé des pécheurs. Dès cet acte incompris jusque-là dans le monde, le torrent méconnu se précipite vers lui. Quand son cœur en extase a reçu toute l'onde, pour la terre, au bonheur, un nouveau jour à lui. Tableau 11. La victime d'amour, dont l'enfantine voix marchera désormais aux côtés du Seigneur, activant son foyer de souffrance et de joie. Elle aime pour l'ingrat, pour le pauvre pécheur. Sans souci de l'épine, elle cueille la rose du sacrifice obscur et des moins séduisants. L'amour n'a peur de rien, il chante à toute chose, et l'épine, plus haut, fait monter ses accents. 12. Jésus, mon seul amour, en la nuit de la terre, que j'aime, dit Thérèse, à te jeter des fleurs. En effeuillant pour toi la rose printanière, je voudrais de tes yeux, essuyer tous les pleurs. Par les roses, j'entends, Seigneur, les sacrifices qu'au bosquet de l'exil, je puis toujours cueillir, car te jeter des fleurs, c'est offrir en prémisse, les plus grandes douleurs, le plus léger soupir. 13e tableau. Les anges recueillent mes pétales fragiles, sans beauté ni parfum, sans aucune valeur, ils les feront passer, de mes doigts inhabiles, dans ta puissante main, ô mon très doux sauveur. Tu jetteras ces fleurs sur l'église souffrante, pour calmer ses tourments, pour éteindre ses feux, sur le champ du combat l'église militante pour hâter sa victoire avant la paix des cieux. 14e tableau. Voyons pourquoi Jésus aide à tout sacrifice, ce cœur si généreux et si simple à la fois, tandis qu'il laisse au grand le douloureux office, le pénible labeur de porter seul la croix. C'est que l'humble petit, songeant à sa misère, confie au doux sauveur son fardeau trop pesant, alors ce Dieu d'amour, en sa bonté de père, soutient, sans être vu, la croix de son enfant. Tableau 15. Cette croix de l'exil prend forme différente, que de pleurs ici-bas de douleur, de revers. Hélas, plus d'un mortel s'irrite et s'épouvante, s'en prenant au Seigneur pour tant de maux divers. Mais le petit enfant, lui, jamais ne raisonne, il ne regarde rien, n'est-ce pas beaucoup mieux, n'est-on pas bien plus fort, quand l'âme s'abandonne sur le cœur de Jésus, et qu'on ferme les yeux? Tableau 16. L'épreuve de la foi, pour nos âmes timides, c'est de marcher la nuit dans un noir souterrain, se heurter quelquefois à ses parois humides, et du divin ami ne plus sentir la main, mais de l'enfant, jamais l'abandon ne chancelle. Au seul désir de Dieu, son cœur veut s'attacher, et, de sa confiance, a jailli l'étincelle qui jette la lumière où son pied doit marcher. Tableau 17. Si le péril augmente, en la nuit plus épaisse, l'âme appelle Marie et lui dit cheminant, ses paroles d'amour et presque d'allégresse, bien qu'au fort de l'épreuve et de l'isolement, quand vous verrez Jésus, ô mère la plus tendre, dites-lui de ne point se gêner avec moi, il peut bien se cacher, je consens à l'attendre, jusqu'au jour sans couchant, où s'éteindra ma foi. Tableau 18. Quand le Sauveur revient et que l'âme est tentée de mille autres façons sur la route du bien, que, par ses ennemis, Elle va tourmentée, du maître qui la guide, elle serre la main, le priant de chasser les esprits de mensonge, d'apaiser, de son cœur, les folles passions, alors tout disparaît, comme il se fait d'un songe, et son amour grandit dans les tentations. Tableau 19. Être vaillant toujours semble chose impossible, pauvre petit enfant, souvent tu tomberas, harcelé, combattu par l'enfer invisible qui te dresse une embûche à chacun de tes pas, mais légère est ta faute, et Dieu, qui te relève, sait que tu peux faiblir, même le lendemain, croire en ta fermeté serait orgueil de rêve, mais que craindrait l'enfant, dont Jésus prend la main. Tableau 20. De ses chutes, l'enfant jamais ne s'inquiète, parce qu'il les confesse avec humilité, puis au cou du Sauveur, confiant il se jette, et ce n'est point, pour lui, de la témérité, il aurait sûrement la même sainte audace. Si sa faute était grave et méritait l'enfer, il sait qu'à l'humble cœur Jésus fait toujours grâce, noyant tous ses péchés, comme au fond de la mer. Tableau 21. Le divin maître, épris de cette confiance, décuple le secours à son fidèle enfant, dans un nouveau danger, il a sa récompense, voyez-vous dans la nuit cet abîme effrayant, les plus forts trembleraient devant ce précipice, mais celui qui veut bien se faire tout petit, Jésus le portera, quel suave délice, et l'obstacle, aussitôt, c'est Dieu qui le franchit. Tableau 22. Dans le chemin très sûr de l'oubli de soi-même, en louant le Seigneur et le jour et la nuit, l'enfant tout occupé de son Jésus qu'il aime, d'une céleste paix récolte le doux fruit. Ma croix de chaque jour, dit-il, je l'ai couverte des fleurs de l'abandon, du dévouement caché, là j'ai trouvé la joie, aussi d'un pas alerte. J'ai couru l'âme libre et le cœur détaché. Tableau 23. Mais comment le petit reçoit-il son hostie, tout pauvret, voyons-le s'en approcher, joyeux il appelle son ange, et Joseph, et Marie, qui l'orne à l'instant au goût du roi des cieux. Pour recevoir Jésus, il n'est pas nécessaire d'être fort et vaillant, mais, dans sa pauvreté, il suffit que le cœur dégagé de la terre, soit simple et confiant, paré d'humilité. Tableau 24. Ce troupeau marque ici toute sollicitude, travaux quotidiens, office de pasteur, où l'enfant droit et pur fait son unique étude, de s'unir toujours plus, à l'aimable Sauveur. Son regard satisfait, seul il ambitionne, et de chaque brebis lui confiant le soin, sans distraire son cœur, paisiblement il donne ce que le Seigneur met dans sa petite main. Tableau 25. Mais de quelle façon l'âme simplifiée cherche-t-elle Jésus aux heures de raison? À quel maître dans l'art s'est-elle confiée, où donc a-t-elle appris la parfaite union? L'enfant ne sachant lire une œuvre trop subtile, le docteur des docteurs, a dirigé sa main sur l'unique trésor de son doux évangile, alors il s'est nourri d'un lait pur et divin. Tableau 26. Oh, le livre de vie, oh l'ineffable code, où Jésus se révèle en paroles du ciel, nectar du saint amour que l'on boit sans méthode comme au sein de la fleur l'abeille prend son miel. Pour Thérèse, c'est là que la lumière abonde, là, qu'après Bethléem, feuillet resplendissant, son cœur s'est arrêté sur la leçon profonde, le royaume des cieux n'est donné qu'à l'enfant. Tableau 27. Que fait ici l'enfant, et quel est cet orage dont il n'est point troublé? Tandis que Jésus dort, il répond, les petits ne font jamais naufrage, et l'abandon triomphe à l'heure de la mort, puis il dit, ne crains pas Seigneur que je t'éveille, ton cœur reste pour moi l'appui du dernier jour. Toi-même l'affirmais, je dors, mais mon cœur veille, ô mon Jésus, je t'aime, et l'enfant meurt d'amour. Tableau 28. C'en est trop pour Jésus. Il s'éveille. Il enlève son tout petit enfant de l'exil d'ici-bas. Lui se laisse porter, mais ce n'est pas un rêve. Non, dit-il en chantant, c'est mon heureux trépas. Du monde elle a passé la fugitive image. Je vais au jugement sans aucune frayeur. J'eus confiance en Dieu dans l'ombre et le nuage. Il se fait aujourd'hui mon très doux ascenseur. Tableau 29. L'enfant se présente à son souverain juge, estimant ses vertus, faiblesse et pauvreté. Jéhovah, l'Éternel, demeure son refuge. Par sa juste balance, il n'est point effrayé. Et l'on voit ce petit, loin, bien loin de la terre, seul en face de Dieu, le Tout-Puissant Seigneur, attendre fièrement le baiser de son père car, d'un geste sublime, il sera son vainqueur. Tableau 30. Il appelle Marie, et dans une humble audace, son argentine voix parle dans l'infini, « Je suis pauvre, ô mon Dieu, mais j'ai la douce face, j'ai les œuvres, le sang de mon Sauveur béni, Dieu Saint-Suaire, alors, le voilà qui se couvre. » Le Père ne voit plus que son Fils dans l'enfant, et, pour le recevoir, son cœur tout grand s'entr'ouvre, les victimes d'amour n'ont pas de jugement. 31e et dernier tableau. Sur la terre d'exil, Thérèse est revenue confier ses secrets aux petits du Seigneur. Elle étend son manteau sur la troupe ingénue des simples, de tous ceux qui sont humbles de cœur. Montez, dit-elle, enfant ma voix est lumineuse, c'est le plus court chemin du céleste séjour, moi-même j'en ai fait l'expérience heureuse. Oui, ma voix est bien sûre et mène au Dieu d'amour.